Chapitre 8. Amende honorable du père Thomas. La mère Thomas profita de la joie de son mari, quand il eut retrouvé et ramené la génisse, pour lui reprocher l'injustice de sa conduite envers ses deux enfants. « Tu n'aimais pas Gaspard, tu le grondais, tu le battais, parce qu'il aimait l'école et qu'il voulait toujours y aller. Et à présent, tu bourres Lucas, tu le menaces sans cesse de la corde ou du bâton, parce qu'il n'aime pas l'école, que le travail de la ferme lui plaît. » Tu l'accuses de paresse lorsque tu sais tout comme moi qu'il n'y en a pas de plus actif, de plus laborieux, de plus empressé à faire le travail qui répugne aux autres ou qui les fatigue. Tu l'accuses depuis longtemps de t'avoir fait manquer la vache bringée pour n'avoir pu lire la lettre, et tu sais pourtant que c'est toi-même qui le détournais de l'école, qui l'encourageais à travailler au champ. Tu lui as fait saigner le cœur bien des fois avec tes injustes reproches. Il a tout supporté avec courage, avec douceur. Hier, tu l'emmènes pour une course qui t'a fatigué, toi, homme vigoureux. Tu lui as fait traîner la génisse 4 ou 5 heures durant, qu'il en a eu les mains toutes meurtries. Et pour sa récompense, tu le menaces de la corde. Et tu crois que je te laisserai faire? Que je te laisserai maltraiter mon pauvre Lucas, sans maudire? Que je te laisserai te livrer à tes brutalités et à tes injustices, sans oser prendre la défense de mon enfant? Le père Thomas l'avait interrompu plus d'une fois, tantôt pour s'excuser, tantôt pour la faire taire. Mais la mère Thomas était montée. Elle avait le cœur trop plein. Elle voulait défiler son chapelet. Elle ne s'arrêta que lorsqu'elle eut tout dit et que le père Thomas, réduit forcément au silence, lui parut vaincu et repentant. Thomas. Eh bien, oui, je te dis que tu as raison, que j'ai tort. Es-tu contente? Est-ce ça que tu veux? La mère. Non, je veux mieux que ça. Je veux que tu rassures Lucas, que tu lui mettes du baume dans le cœur par quelques bonnes paroles. Que tu ne l'obliges pas à aller à l'école dès le matin, et que tu lui fasses entendre que la vache bringée n'est pas de sa faute, mais de la tienne. Thomas. Diantre, ce n'est pas agréable ce que tu veux me faire faire. S'humilier devant son garçon, un enfant de 12 ans. La mère. Ce n'est pas s'humilier que reconnaître ses torts. Au contraire, c'est se relever. C'est d'être mauvais et injuste qui vous met à terre. C'est d'être bon et juste qui vous grandit. Fais ce que je te dis, va. Tu te sentiras toi-même le cœur léger et tranquille. Thomas. Je verrai, je ne dis pas non. C'est la manière de s'y prendre qui n'est pas facile. La mère. Pas facile? Attends, je vais t'aider. Tout juste, voici Lucas. Lucas, mon garçon, ton père est bien fâché? Thomas. Qu'est-ce que tu dis donc? Comment, fâché? La mère. Tais-toi, tu n'y entends rien. Laisse-moi dire. Ton père est bien fâché d'avoir été si injuste et si méchant pour toi depuis bientôt 8 mois. Il convient que la vache bringée n'est pas de ta faute, que c'est pour avoir été paresseux dans sa jeunesse qu'il n'a pas su lire la lettre de Guillaume. Il sait, Thomas. Ah ça, mais auras-tu bientôt fini, toi? Laisse-moi parler tout seul. Mon Lucas, tu es un brave garçon, et tu l'as toujours été. Tu es travailleur, obéissant. Et moi, j'ai été pour toi un mauvais père, un vrai gredin, et je t'ai chagriné, tourmenté. Mon pauvre garçon, j'en suis tout désolé. Je me battrai volontiers. Tiens, donne à ta mère la corde neuve et dis-lui de me mener à l'étable. La mère Thomas, désarmée à son tour par l'humble aveu de son mari, se mit à rire. Non, dit-elle, tu n'iras à l'étable que pour faire la litière de la génisse. Regarde donc l'air étonné de Lucas. Tu ne dis rien, mon ami. C'est pourtant vrai ce que te dit ton père. Il a reconnu qu'il t'avait accusé, grondé, maltraité, injustement. Lucas, oh mon père, vous êtes trop bon. « Certainement que j'ai été paresseux pour l'école, mais voilà que je m'y mets un peu. J'espère bien savoir lire dans un an et écrire aussi. Mais si vous me permettiez de travailler un petit peu à la ferme, je serais bien content. »« Thomas, tu travailleras tant que tu voudras à la ferme, mon ami, et tu iras à l'école quand tu voudras. Je ne t'y oblige plus. Entends-tu bien? Tu feras comme tu voudras. »« Merci, mon père, merci !» s'écria Lucas, tout joyeux. « Soyez tranquille, je comprends qu'il est bon de savoir lire, écrire et compter, et j'irai à l'école toutes les fois que vous n'aurez pas d'ouvrage pressé. » La paix fut ainsi conclue, et Thomas, se sentant pardonné par sa femme et ses enfants, perdit son air bourru, reprit sa bonne humeur, but moins de cidre, n'entra plus si souvent en colère à propos de rien, rendit un peu de calme à toute la ferme, et ne se vit plus toujours entouré de visages craintifs, tristes et mécontents. Lucas reprit sa gaieté, Gaspard resta sérieux, car il l'était par nature, mais il perdit une partie de la crainte que lui inspirait son père. Chapitre 9. La foire. La foire de la ville voisine approchait. Lucas se hasarda d'engager son père à mener vendre la genisse, nouvellement achetée. « Thomas, la vendre ? Mais où as-tu la tête de vouloir me faire vendre une bête que j'ai achetée il y a un mois à peine ?»« Lucas, mon père, croyez-moi, elle n'est pas bonne. Elle ne sera pas bonne laitière. Vendez-la avant qu'elle soit connue dans le pays. Vous direz qu'elle vient de la trappe. Cela vous la fera bien vendre comme genisse, car on sait que les vaches sont belles à la trappe. » Thomas, mais à quoi vois-tu qu'elle ne sera pas bonne laitière ? Lucas lui fit voir ses défauts et les signes auxquels on pouvait reconnaître qu'elle ne serait pas bonne laitière. Le père hésita. Il avait confiance dans le coup d'œil de Lucas, mais il avait de la peine à se défaire d'une bête venue de la trappe. Pourtant, il s'y décida la veille de la foire. « Thomas, Lucas, nous irons demain à la foire. Tu mèneras la génisse, je la vends. » « Lucas, vous faites bien, mon père. Vous verrez que vous ne regretterez pas. » Lucas se leva le lendemain de bonne heure. Il partit avec son père. Ils se placèrent dans le champ de foire. Ils louèrent un poteau, y attachèrent la génisse et attendirent les acheteurs. « Une génisse qui vient de la trappe, » dit Lucas à un homme qui paraissait être un régisseur. Le régisseur, « De la trappe ? Ah, leurs vaches ont de la réputation, et elles la méritent bien, la mère de cette génisse est de toute beauté. » Lucas ne mentait pas, il l'avait vue à la trappe. Le régisseur continua l'examen de la génisse. Lucas devina bientôt qu'il n'y connaissait rien. « Lucas, voyez, monsieur, le beau poil, la jolie tête !» Le régisseur, « Oui, oui. » « Mais les cornes ne sont pas bien posées. »« Lucas, cela dépend de la race, monsieur. C'est une cotentine. » Le régisseur, « Ah, une cotentine !» Lucas, « Oui, monsieur, la race la plus estimée. » Le régisseur, « Combien la faites-vous ? » Lucas, « Mon père va vous le dire, monsieur. Mon père, voici un monsieur qui demande le prix de la cotentine. » Le père regarda Lucas d'un air surpris. Lucas, « La cotentine de la trappe. » « Monsieur est au courant des belles vaches de la trappe. Il sait bien que la cotentine est l'espèce la plus estimée. » Le père Thomas entra en négociation avec ce monsieur qui était régisseur dans un château voisin. Après un long débat, le régisseur finit par acheter la génisse 90 francs de plus qu'elle n'avait été payée à la trappe. Le régisseur paya 380 francs, appela son valet de ferme et emmena la bête, enchantée d'avoir une cotentine de la trappe, pendant que le père Thomas était enchanté d'avoir vendu sa prétendue cotentine. Avant de quitter le champ de foire, il voulut faire avec Lucas le tour du champ pour voir s'il ne trouverait pas à remplacer la génisse qu'il avait vendue. En regardant de droite et de gauche, il aperçut une vache qui lui fit battre le cœur. Elle était toute pareille à la bringée, tant regrettée. « Thomas, Lucas, vois-tu cette vache là-bas » Lucas, vivement, « C'est la bringée. » Thomas, c'en est une qui lui ressemble, mais ce n'est pas la bringée. Le père Camus n'est pas si bête que de se défaire d'une bête pareille. Lucas, allons toujours voir. Je crois bien que c'est elle. Ils s'approchèrent, et sans autre examen, ils virent bien que c'était la bringée. Thomas, Lucas, va donc voir si c'est Camus qui la vend. Mais ne lui dis rien. Je ne veux pas avoir l'air de courir après sa vache. Au moment où Lucas allait partir, Camus arriva. Camus, bonjour Thomas. Tu cherches une vache achetée, moi j'en ai une à vendre. Thomas, j'avais aussi une bête à vendre, mais c'est fini. Je m'en suis défait, et je me promène avec Lucas. Camus, tu ne veux pas de cette bringée, fameuse bête. Une livre de beurre par jour. Un lait crémeux, magnifique, une bête qui ne tarit jamais. Lucas, oh que si, elle tarit, car je l'ai vue tarir chez le voisin Guillaume. Camus, ne te mêle pas de notre marché, gamin. Ton père sait bien faire ses affaires lui-même. Lucas, « C'est que nous la connaissons, votre bringée. Mon père n'en a pas voulu, il y a un an. » Camus, « C'est-y vrai, Thomas ? Tu n'es donc pas connaisseur ?» Thomas, « Écoute donc, puisque tu la revends au bout d'un an, c'est que tu n'en es déjà pas si content. » Camus, « Au contraire, c'est parce que c'est la meilleure vache de mon étable. Je n'achète des vaches que pour les revendre et gagner dessus. » Thomas, « Combien la fais-tu, ta bringée ?» Camus, « Ah, je ne la donnerai pas pour un liard moins de 30 pistoles, 300 francs. » Thomas, tiens, tu ne te gênes pas, tu l'as payé 50 francs de moins, il y a un an. Camus, c'est qu'elle n'était pas en état. Thomas, si fait, elle était en état, je ne t'en donnerai pas ce prix. Camus, combien que tu en offres ? Thomas, ma foi, je n'en sais trop rien. Si j'en avais besoin, je ne dis pas. Mais tu en demandes trop cher. Camus, écoute donc, c'est la meilleure vache du marché. Pour toi, vois-tu, je rabattrai une pièce de 5 francs. mais c'est tout au juste. Thomas, 5 francs? Si tu disais 40, je ne dis pas que je ne ferais pas marcher. Camus, je le crois bien. Une bête pareille, en te la donnant pour 290 francs, j'y perds. Vrai, j'y perds. Thomas, et moi, en te donnant 265 francs de ta vache, je ne fais déjà pas une belle affaire. À force de causer, de discuter, ils se sentirent le gosier sec. Et chacun espérant gagner quelques francs en faisant boire son ami, ils allèrent s'attabler dans un café avec Lucas qui écoutait, sans boire autre chose que du petit cidre. Après des discussions sans fin, ils convinrent que Thomas prendrait la bringée pour 275 francs et qu'il payerait au café la consommation qui se montait à 3 francs 25 centimes. Camus devait donner le pourboire qui se montait à 10 centimes. Ce dernier article fut débattu longtemps. Enfin, Thomas était possesseur de la vache bringée, tant regrettée. Quand il l'eut payé et qu'il tint la corde, il ne dissimula plus sa joie et avoua à Camus combien il avait été désolé d'avoir manqué la bringée l'année d'avant et qu'il ne l'aurait pas laissé aller pour 300 francs. Camus était désespéré. « Faut-il que je ne t'aie pas deviné? Tu me fais perdre 25 francs. Et ce Lucas qui en dit du mal? Ce n'est pas gentil, ça, Lucas. À ton âge, être si futé !» Camus eut beau se désoler, Thomas, triomphant, emmena sa vache. « Thomas, cours vite en avant, mon Lucas, pour dire à ta mère que nous avons la bringée. C'est bien à toi que je la dois, car si tu ne m'avais pas fait vendre la cotentine de la trappe, je n'aurais pas eu d'argent pour avoir ma bringée. » Lucas partit en courant, le père Thomas suivit de loin, traînant sa vache. Il n'était pas à 2 kilomètres de la ville que Lucas avait disparu, courant toujours. « Il va se tuer, ce pauvre garçon !» se disait le père Thomas. « Et faut-il que je l'aie malmené, humilié, injurié et battu lui-même pendant plus d'un an ? Et lui qui supportait tout ça, sans seulement riposter ? Et de penser qu'au bout de ses mauvais traitements, il me fait avoir la bringée ? Gueux que je suis ! Pauvre Lucas, je ne veux plus le faire aller à l'école du tout !» Le père Thomas, qui était toujours dans les extrêmes, ou trop indulgent, ou trop sévère, hâta le pas pour rejoindre Lucas et lui porter cette bonne nouvelle. Mais quand il arriva à la ferme, Lucas y était depuis longtemps, et la mère Thomas attendait à la barrière le père Thomas et la vache bringée. « Lucas, Lucas !» criait le père Thomas du plus loin qu'il les aperçut. « Je me dépêche d'arriver pour te dire que tu n'iras plus à l'école, que tu emploieras ton temps comme tu le voudras, tous les jours, toute la journée. » « Lucas, je vous remercie, mon père, mais j'aime mieux, si vous voulez bien me le permettre, aller à l'école la demi-journée. De cette façon, je pourrai me rendre utile à la ferme et avoir assez de connaissances pour savoir lire et écrire. » « Thomas, tiens, tiens, comment ? Voilà que tu veux savoir lire à présent ? » « Lucas, certainement, mon père. Si j'avais su lire, vous auriez eu la bringée depuis un an, et nous ne nous serions pas perdus en revenant de la trappe l'autre jour. » « Thomas, comme tu voudras, mon garçon. Il y a quelque raison dans ce que tu dis. »